Activité 7, compréhension orale. Première écoute. Après 10 ans d'absence en France, le Cirque du Soleil a fait escale en avril à Lyon, en décembre à Lille et sera du 8 avril au 8 mai 2005 à Paris. Ce cirque d'origine québécoise a connu un succès croissant depuis sa création il y a 20 ans. Aujourd'hui, le Cirque du Soleil, c'est 4 spectacles fixes à Las Vegas et Orlando et 6 spectacles en tournée dans le monde entier. Très prisé des publics américains, australiens et plus près de chez nous, espagnols, italiens ou belges, le Cirque du Soleil se risque aujourd'hui à s'arrêter en France. Pari risqué ? Chaque spectacle étant une immense machine, le cirque s'installe généralement pour un mois minimum. Et il faut que le public soit au rendez-vous. Alors, après le succès rencontré à Lyon, et plus récemment à Lille, il n'a pas hésité à partir conquérir la capitale. Et c'est le spectacle intitulé « Saltimbanco » que les Parisiens auront la chance de découvrir à partir d'avril. Deuxième écoute. Après 10 ans d'absence en France, le Cirque du Soleil a fait escale en avril à Lyon, en décembre à Lille et sera du 8 avril au 8 mai 2005 à Paris. Ce cirque d'origine québécoise a connu un succès croissant depuis sa création il y a 20 ans. Aujourd'hui, le Cirque du Soleil, c'est 4 spectacles fixes à Las Vegas et Orlando et 6 spectacles en tournée dans le monde entier. Très prisé des publics américains, australiens et plus près de chez nous, espagnols, italiens ou belges, le Cirque du Soleil se risque aujourd'hui à s'arrêter en France. Pari risqué ? Chaque spectacle étant une immense machine, le cirque s'installe généralement pour un mois minimum et il faut que le public soit au rendez-vous. Alors, après le succès rencontré à Lyon et plus récemment à Lille, il n'a pas hésité à partir conquérir la capitale. Et c'est le spectacle intitulé « Saltimbanco » que les Parisiens auront la chance de découvrir à partir d'avril.